Chapitre 15e, 3 semaines d'agonie. Le souffle qui avait balayé la galerie et renversé les 3 spectateurs de la formidable explosion n'était pas encore le souffle de la mort. Guilledou, le premier, reprit connaissance. Son évanouissement n'avait dû avoir qu'une durée fort courte. « Je ne suis pas mort du coup, mais je n'en vaux guère mieux, » pensa-t-il. « Cela ne fait que commencer. » Il se tâta. Ses membres étaient douloureux. Son front surtout le faisait souffrir. Il avait dû heurter le roc, ce qui avait produit le bref étourdissement. Le fracas des eaux n'avait point cessé. Un bruit assourdissant, qui semblait tout proche, emplissait la galerie. Seulement, il était uniformisé et les oreilles de Guilledou s'y habituaient au point qu'il lui parut possible de percevoir simultanément d'autres bruits. Pour s'en assurer, il parla à haute voix. « Ça se tasse, » prononça-t-il d'un ton lugubre. Et il ajouta, plus mélancoliquement encore, « Ce sera bien ma guigne. Au moins, M. Jean n'a pas souffert. Le vieux Maboul non plus, je ne les entends pas. » Au même moment, et comme pour lui infliger un démenti, il entendit tout près de lui un gémissement. « Est-ce vous, monsieur ? » cria-t-il d'une voix suraiguë pour dominer le fracas de la cataracte. Une voix que le bruit faisait paraître grêle lui parvint. « Guilledou, nous vivons encore ? Et il paraît, monsieur. » « Mais ça n'en est pas plus drôle. »« Eh, Mr. Big, je le cherche, monsieur. » Les deux Français, avançant sur les genoux, balayèrent le sol de leurs mains hésitantes. À quelques pas de l'endroit où ils étaient tombés, ils découvrirent le corps encore inerte de l'ingénieur. Sans doute avait-il été projeté plus violemment que ses compagnons, car il fallut plusieurs minutes de soins pour le ranimer. Enfin, il poussa une faible plainte et se redressa. « Hello, garçon, que se passe-t-il » s'exclama-t-il. « La chose n'a donc pas fonctionné ?»« La brèche est faite, » répondit Jean. « N'entendez-vous pas le bruit des eaux ?»« Mais alors le globe n'a pas fait explosion ?»« Nous n'avons pas sauté ?» s'inquiéta la voix du détraqué. « Jusqu'à présent, il n'y paraît pas, » riposta le jeune Français dont les ténèbres dissimulèrent le fugitif sourire. La déception de l'ingénieur, en dépit de la gravité des circonstances, lui semblait presque comique. Mr. Big garda tout d'abord un silence écrasé. Sans doute avait-il peine à admettre que le projet insensé, si longtemps caressé, aboutit à un échec. Peut-être la masse des eaux n'a-t-elle pas encore atteint le feu central ? Émit-il au bout de quelques instants. Nous sauterons tout à l'heure. Charmante perspective, murmura Guilledou. Impressionné par la conviction que révélait l'accent de Mr. Big, Jean d'Entrebeau garda le silence. De nouveau, l'attente atroce le torturait. Pourquoi s'était-il réveillé ? N'eût-il pas mieux valu en finir de suite? Il allait maintenant sentir son cœur battre les secondes horribles de l'agonie avec devant les yeux l'hallucinante vision de la fin menaçant Susanna. Oh, savoir qu'un être chéri va périr et demeurer impuissant, séparé de cet être par des milliers de lieues. Savoir et ne pouvoir l'avertir. Ne pouvoir même pas l'enlacer pour le protéger contre le choc mortel ou connaître la douceur de périr ensemble. Cette incertitude est le pire des supplices, cria-t-il nerveusement. Je pense comme vous, répondit Mr. Big. Lui-même semblait agité, crispé. Ses compagnons le sentaient trépidant. Tout à coup, il bondit sur ses pieds et s'éloigna dans la galerie, vers le fond où s'épanouissait l'espèce de grotte qui lui servait à la fois de gîte et de bureau, et où Jean d'Entrebeau avait déjà remarqué un curieux entassement de machines, d'appareils, d'instruments divers, ainsi que de lourdes caisses pleines de provisions. Peu après, une lueur jaillit, mettant au milieu des ténèbres un point lumineux. Tenant une lampe électrique, Mr. Big repassa devant ses compagnons et marcha vers l'entrée de la galerie. Atteint par la clarté, un mur d'eau s'illumina tout à coup et ce fut, devant les yeux émerveillés des Français, comme un ruissellement féerique. La silhouette de Mr. Big se détachait sur cette nappe lumineuse, dont la chute verticale murait l'entrée. Il vacillait sous la violence des remous d'air que provoquait la cataracte. Jean et Guilledou le virent alors se courber, puis s'avancer à 4 pas vers le mur d'eau, en poussant devant lui quelque chose. La faible clarté de la lampe que masquait d'ailleurs Mr. Big ne leur permettait pas de suivre le travail auquel ils se livraient. Mais tout à coup leur oreille, déjà habituée au fracas des eaux, distingua un nouveau bruit qui s'ajoutait au tumulte. Une sorte de ronflement lui répondit à l'autre extrémité de la galerie. L'ingénieur se releva en poussant une exclamation triomphante et courut vers la grotte. Presque aussitôt, la galerie s'illumina et j'en constatai avec stupeur qu'un fil courant le long des parois portait de distance en distance des ampoules électriques. Guilledoux poussa un cri de joie. « Ah, monsieur, quelle chance! Au moins on y verra clair pour mourir. » Jean sourit tristement. Pourtant, lui aussi se sentait réconforté, presque rassuré par cette clarté. Ne révélait-elle pas la puissance du génie clairvoyant de l'Américain? Justement, Mr. Big revenait vers les deux hommes en se frottant les mains d'un air satisfait. « J'avais pris mes précautions, » annonça-t-il. « L'événement dément mes prévisions puisque l'explosion se fait attendre. Je ne croyais pas que cela se passerait ainsi. Mais à tout hasard, je m'étais arrangé pour durer autant que la Terre. Notre loge est solide, et nous ne perdons rien du spectacle. Mais cet éclairage ?» demanda Jean. « Un jeu d'enfant !» ricana l'ingénieur. « Nous avons une chute, je l'utilise. Tout était préparé d'avance et mon usine d'électricité était prête à fonctionner. Il paraît que l'océan s'amuse en route, ou que le feu central est plus loin que je ne pensais. Quelle que soit la cause du répit qu'il nous laisse, profitons-en, messieurs. Voulez-vous venir voir notre home? C'est assez confortable. » Animé par l'extraordinaire sang-froid du singulier personnage, Jean d'Entrebault et le fidèle Guilledoux le suivirent. Pour la première fois, la caverne du docteur Big ne leur apparaissait plus sous l'aspect d'un antre ténébreux. Elle était brillamment illuminée et ils pouvaient en admirer l'aménagement. Comme l'avait dit l'Américain, c'était une usine en pleine activité. Des courses de courroies traversaient l'air et les roues des machines ronflaient. Mais il y avait aussi dans un autre coin, après l'entassement des caisses et des récipients divers, trois couchettes, une table et jusqu'à de confortables fauteuils. Au mur étaient suspendus des ustensiles de ménage et une planchette supportait de la vaisselle. Guilledoux considéra ces objets avec un intérêt évident. « Si on meurt, soupira-t-il, je suppose que ce ne sera ni de faim ni de soif. » « Nous avons 3 mois de vivre, » répondit l'Américain, « et les liquides n'ont pas été oubliés. Je ne suis pas partisan de ce régime sec dont souffrirent tant mes arrière-grands-parents au temps où ils sévissaient dans notre libre Amérique. Voyons, compagnons, vous plairait-il de vous réconforter avec quelques cocktails? Je l'ai réussi comme pas un. » Guilledoux, ayant accepté pour deux, il s'absorba dans la confection des boissons annoncées, sans prêter attention à l'évidente prostration de Jean d'Entrevaux. « Ce n'est pas tout de se restaurer et de pouvoir dormir, » reprit Mr. Big. « J'ai songé à d'autres aises. Nous aspirons une atmosphère convenablement purifiée. Nous avons des provisions d'oxygène et cette machine que j'ai disposée se chargera d'absorber l'excès d'acide carbonique. Nous pourrons tenir jusqu'au bout, mes joyeux garçons. » Fébrile, il consulta son chronomètre et se rembrunit. « Il faut que je fasse quelques chiffres pour voir jusqu'où cela peut nous mener, » grommela-t-il. « L'eau devrait être tombée dans la chaudière. Est-il absolument certain que cela se produise ?» questionna machinalement le fiancé de Susanna. « Allez au diable, cela doit se produire, » grogna l'Américain avec entêtement. Il n'en était plus aussi sûr. L'inquiétude et l'énervement qui s'emparaient de lui en étaient la preuve. Jean le pressentit et se reprit à espérer. « Supposons que cela soit, » dit-il d'un ton conciliant. « Vous n'êtes pas l'ennemi des hypothèses, Mr. Big, puisque vous déclarez que toutes doivent être envisagées. »« Supposons cela, » ricana l'ingénieur. « En serez-vous plus avancé ?»« Il resterait quelques jolies façons de trépasser, vieux camarade. D'abord, quand l'océan sera vide, le goulot de notre trou se videra lui aussi. Le niveau, en baissant, atteindra celui de notre porte. À ce moment, il est probable que le conduit sera un peu encombré. Les eaux y seront comme étranglées. » Et la descente sera moins rapide parce que la pression du dessus n'existera plus. Alors, ma foi, étant moins pressé, il se pourrait qu'en passant chez nous, les eaux soient tentées d'y entrer pour nous faire une petite visite. « Nous péririons noyés ?» s'exclama Jean. Guilledoux reposa mélancoliquement le verre qu'il venait d'achever de vider. Cette perspective lui coupait la soif. « J'énumère les chances, » répliqua froidement Mr. Big. « Laissons passer les eaux si vous y tenez. Mais le pire, voyez-vous, est qu'en se retirant, elles nous laisseront dans le noir. » Plus de chute, plus de lumière. Voyez-vous la joyeuse existence que nous mènerions alors au fond de notre cave? Nous irions voir le ciel, répondit le jeune Français. De notre seuil, une fois l'eau partie, il sera possible de l'apercevoir. Même pas de nous envoler vers lui, riposta l'Américain. Je vous accorde un peu plus de 2 mois pour regarder par la fenêtre. Après quoi, il faudra nous résigner à mourir de faim. Aussi, j'espère bien que nous sauterons. « Allons, » fit Jean d'Entrebault découragé, « je crois bien que c'est en effet ce qu'il pourrait nous arriver de mieux. »« Non pas, monsieur, » protesta doucement Guilledoux, « il faut souhaiter que le toquet se trompe et que la chaudière n'éclate pas. »« Tu recules devant la mort ?» questionna amèrement le jeune homme. « À quoi cela t'avancera-t-il de gagner quelques jours ? Nous mourrons, nous, mais là-haut, elles ne mourront pas, répliqua le valet de chambre. Il n'avait pu s'empêcher de réunir dans son souvenir Susanna et Sada. De penser qu'elles seront sauvées, cela nous consolera, conclut-il. Jean rougit. Il eut soudain honte de son égoïsme. Que cet espoir nous réconforte, déclare-t-il d'un ton ferme. Je consens que mes 3 mois d'agonie payent le salut de Mademoiselle de Glandève et de tous les humains. La vie dans la galerie n'était pas trop pénible. Elle ressemblait à de la détention dans une prison assez vaste et non dépourvue de confortable. Mais l'Américain ne décolorait pas. De jour en jour, il devenait plus nerveux et plus sombre. « C'est fini !» vociféra-t-il enfin, en donnant un violent coup de poing sur la table. « Nous ne sauterons pas. Il y aura encore après nous de grotesques bipèdes qui se promèneront à la surface du globe. Ce Kasuga est un coquin !» Jean et son domestique ne pouvaient que faire chorus à cette dernière phrase. « Si jamais je sors d'ici, je sais bien ce que je ferai, » déclara Guillaudou d'un ton menaçant. « Je recommencerai, » trancha Mr. Big. « Oui, je trouverai autre chose. Il doit nécessairement exister un moyen d'envoyer cette stupide planète aux 4 vents de l'espace. » Ce qu'avait prévu l'ingénieur s'était produit. Dans le conduit trop étroit et vraisemblablement engorgé par les roches entraînées, l'eau ne tombait plus que lentement. Le grand bruit avait cessé. Mais ce passage des eaux silencieuses n'était pas moins terrifiant à contempler. Un matin, en se réveillant, les 3 hommes trouvèrent la galerie envahie par les eaux. « Est-ce la fin ?» demanda Jean. Il se répondit lui-même en constatant « On dirait cependant que le niveau ne monte pas. »« J'avais envisagé cela, » répondit laconiquement Mr. Big. « La galerie remonte vers notre grotte et sa pente est assez forte. L'eau n'ira pas plus loin parce qu'elle a refoulé l'air devant elle. Nous sommes dans une cloche à plongeurs. Mais quand le niveau baissera encore, libérant la partie supérieure de l'entrée et livrant de nouveaux passages à l'air extérieur, que se produira-t-il ? Un remous d'eau, tout au plus. » L'événement ne tarda pas à justifier ses pronostics, mais le fond de la grotte et les provisions échappèrent à l'inondation. Mais, selon ce qu'avait prévu l'ingénieur, les lampes électriques s'éteignirent. « Plus de courant, » dit mélancoliquement Mr. Big. « La misère commence. »« Allons voir le ciel, » s'écria impétueusement Jean. Tous 3, suivant pas à pas la retraite des eaux, s'avancèrent jusqu'à l'entrée de la galerie. Jean d'Entrevaux et son fidèle serviteur poussèrent alors des cris d'enthousiasme. Ils revoyaient la voûte azurée, non pas minuscule, échappée de bleu, un simple rond aperçu par l'orifice d'un puits gigantesque, mais une vaste calotte circulaire, supérieure en étendue à celle qui domine les plus grands cirques pyrénéens. Vers cet azur, ils tendirent des bras frénétiques en aspirant à plein poumon cet air libre, encore saturé d'iode et de sel marin. Pourtant, leur situation n'avait pas changé. Ils demeuraient prisonniers, avec seulement plus d'espace au-dessus d'eux. À leurs pieds, un vaste lac d'eau bourbeuse était animé de ce mouvement giratoire qui seul trahissait l'incessante descente des eaux au fond du gouffre. En même temps, le passage de tant de millions de mètres cubes d'eau avait usé la pierre au point de transformer les parois, jadis verticales, de la carrière en plan incliné, sillonné de rigoles, entaillé de trous béants, alvéoles des blocs arrachés. Cela formait comme une immense cuvette à la base de laquelle se trouvait l'ouverture de la galerie. En remontant vers le ciel, les bords de cette cuvette s'évasaient de plus en plus, de sorte que, une fois franchie la dizaine de mètres de muraille verticale que formait le rocher au sein duquel avait été percée la galerie, il devenait possible d'escalader la pente et de regagner le sol de l'océan. Le regard de Jean, brillant d'espoir, ne cessait de fixer ces 10 mètres de roche, suprême obstacle que lui opposait le destin, et pareillement, Guillaudou, se penchant hors de l'entrée au risque de tomber dans le gouffre, se disloquaient le cou pour mieux examiner la muraille au-dessus de leur tête. « On pourrait, » murmura Jean, « essayer d'escalader, » acheva Guillaudou. Certes, il fallait être, comme eux, condamné à une mort certaine pour envisager cette périlleuse tentative d'évasion. Quel gymnaste, ou plutôt quel acrobate, aurait sans pâlir accepté d'en tenter l'escalade ? À peine, de loin en loin, existait-il quelques saillies pour y accrocher les mains, ou quelques trous où le pied put s'appuyer. Et tout autour, au-dessous, le vide horrible donnait le vertige. Le gouffre béant empli d'eau tournoyante semblait attendre, sournois, l'inévitable chute. « N'avons-nous pas un pic ?» demanda Guillaudou, surexcité. « Il suffirait de dégager notre entrée à sa partie supérieure et d'amorcer un embryon d'escalier. » Mr. Big fit entendre un ricanement ironique. « Où vous mènerait-il » demanda-t-il. « Là-haut » riposta ardemment Jean, en montrant le rebord supérieur de la cuvette que dorait un joyeux soleil. « Là-haut, c'est-à-dire vers d'infinis espaces stériles, désert sans eau, sans rien de ce qu'a sur l'habit, » objecta l'Américain en haussant les épaules avec un flegme méprisant. « Vous y périrez de faim et de soif, comme ici. Pourquoi prendre tant de peine ?» Le jeune Français secoua la tête. « S'il existe une chance de salut, je veux la tenter, » riposta-t-il fermement. « D'ailleurs, j'aime mieux mourir au grand jour qu'au fond d'un trou. » « Que risquons-nous ? » renchérit Guilledou. « Si nous réussissons, chacun y trouve son compte. Monsieur Jean épouse Mlle Susanna et moi j'épouse. » Il s'interrompit et fit une affreuse grimace. S'il survivait, Miaïa reprenait ses droits. « Ne pensons pas aux choses désagréables, » continua-t-il en poussant un grand soupir. « Je sais bien que je suis guignard, mais ça ne m'empêche pas de démolir le citoyen Kasuga, responsable de toutes nos misères. Et quant à vous, monsieur le mineur, vous pourriez aller recreuser un autre trou pour y replacer vos pétards. » Cet argument illumina les yeux de l'Américain. Guilledou venait de toucher la corde sensible. « Par Washington, vous êtes deux Français énergiques, » s'écria Mr. Big. « Je ferai comme vous, garçon, en avant. J'ai mieux qu'un pic à vous donner. » Ce furent pourtant tout d'abord trois de ces instruments qu'il alla chercher au fond de la grotte. Mais il rapporta également des cartouches de dynamite. « Il faut opérer avec méthode, » déclara-t-il. « Nous avons le temps, et il ne servira de rien de nous échiner pour finir par un plongeon. Je vais vous montrer ce que peut un ingénieur Yankee. Si vous avez du cœur à l'ouvrage, nous taillerons dans le roc un petit escalier confortable par lequel nous pourrons au moins remonter quelques provisions. » Du cœur à l'ouvrage, les deux Français ne pouvaient en manquer en présence d'une pareille perspective. Saisissant chacun un pic, ils se mirent à attaquer le rocher avec ardeur, tout en écoutant les conseils que Mr. Big leur prodiguait, touchant l'art de creuser un trou de mine. Tout le jour, ils travaillèrent ainsi qu'une grande partie de la nuit, grâce à un éclairage de fortune que l'ingénieur Mr. Big installa au moyen de débris de planches humectées de whisky. Après chaque explosion, ouvrant dans la roche un nouveau palier, il déblayait et parachevait à coups de pic l'œuvre de la dynamite. Le lendemain, ils avaient réussi à étager une dizaine de paliers, formant d'énormes marches de mètres de haut qui permettaient une escalade non point absolument aisée mais du moins exempte de danger. Alors, chargés chacun de ballots de vivres, ils remontèrent péniblement les pentes de l'évasement et se trouvèrent enfin à la surface du sol de la plaine océanique. C'était le soir et déjà ils délibéraient pour décider s'il ne convenait pas de prendre un repos immédiat avant de se mettre en route, guidés par le seul hasard, quand ils aperçurent à l'horizon un point noir planant au-dessus d'une masse sombre, puis s'en éloignant brusquement. « J'ai déjà vu cela tantôt, avant que nous ne vous mettions en route, » observa Guilledou. « Vous étiez allé au fond de la grotte chercher les ballots quand j'ai remarqué cette chose qui planait très haut dans le ciel au-dessus de notre trou. J'ai pris cela pour un oiseau, et ma foi, je n'ai guère prêté attention. D'ailleurs, cela disparut presque aussitôt. « Hum !» répliqua Mr. Big en examinant le point suspect avec attention. « Cet oiseau pourrait bien être un aéroplane. » Un aéroplane au-dessus de ces plaines désertes ? S'exclama Jean d'un ton parfaitement incrédule. « Mais oui, monsieur, » persista l'Américain. « Si ces damnés jaunes ont voulu vider l'océan, ce ne doit pas être sans motif, comme vous l'a expliqué votre ennemi. Il est naturel qu'ils explorent leurs conquêtes, et l'aéroplane est le moyen le plus pratique. En ce cas, nous aurions laissé échapper le salut. Pourquoi Guilledou n'a-t-il pas crié ? Nous pouvions faire des signaux de détresse. « Oui ? « Pourquoi n'ai-je pas crié ?» se lamenta le valet de chambre, en faisant mine de s'arracher les cheveux. « Hélas, monsieur, si bien que j'ai là... Attendez !» interrompit Mr. Big. « Ne regrettez rien. Si l'oiseau de là-bas est monté par des Japonais, il ne serait probablement pas venu à notre aide. Songez que le petit Kasuga vous a condamné à mort, et qu'il ne doit pas tenir à ce que je reparaisse. C'est-à-dire qu'on nous aurait plutôt replongé dans notre trou ?» s'écria Guilledou. « Hurrah ! J'ai bien fait d'avaler ma langue. » « Soyons donc prudents, » approuva Jean. « Mais peut-être pourrions-nous nous rapprocher de ce point au-dessus duquel l'aéroplane a volé. Cela ressemble beaucoup à un navire échoué. Je ne vois plus l'aéroplane, et il fait presque nuit. Peut-être aurons-nous demain la chance de voir à qui nous avons affaire. Nous agirons en conséquence. » « Soit, » concéda à son tour Mr. Big. « D'ailleurs, peu importe la direction. Pour nous, toutes se valent. » Ils s'avancèrent lentement vers la masse sombre, qui n'était autre que l'épave abritant Jim Sandy et ses compagnons. Comme ils s'en approchaient, ils entendirent des cris. « Je rêve ?» balbutia Jean en tressaillant soudain. « Ou bien c'est une hallucination ? Il m'a semblé reconnaître la voix de Susanna. » Au même moment, une silhouette passa devant lui en courant. L'homme qui fuyait portait dans ses bras une forme qui se débattait. « Courons !» s'écria impulsivement le jeune Français. « J'en aurai le cœur net !» Les cris continuaient. Jean s'élança, suivi de Guillenou et de Mr. Big. L'instant d'après, son poing s'abattait sur la face du ravisseur et la lueur de sa lampe électrique éclairait le visage grimaçant de Kasuga en même temps que la figure pâle de Susanna de Glandève.